Ok. Bienvenue sur Freestyle, l'émission des cultures urbaines. On reprend tout à zéro, on reprend tout à zéro. On s'active sur Radioactive. Faut de l'espoir pour réussir, ici c'est Freestyle. Bonsoir à tous, bienvenue dans Freestyle, votre émission consacrée aux cultures urbaines. 93 FM, 94.7 FM, de Tournord à Blois, c'est sur Radioactive que ça se passe. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Tyler RX. Tyler, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Radioactive. Merci, merci. Pourquoi Tyler RX? C'est ton nom d'artiste, Tyler ouais, RX? Ouais, RX, ça fait référence à mon nom de famille. Ouais. Et Tyler, franchement, il n'y a pas de signification, il n'y a rien, c'est venu tout seul. C'est pas ton prénom, quoi, en fait? Même pas. Non, c'est pas ton prénom. En fait, j'étais matrixé par les States avant. Et c'est pour ça, en fait, j'ai mis Tyler dans le truc et c'est resté. Ok, Tyler. Bah, sois le bienvenu sur Radioactive, ça nous fait plaisir de te recevoir. On se connaît depuis un petit peu de temps maintenant. C'est ça. On a eu l'occasion de se croiser quelques fois et puis on a appris un petit peu à se connaître. Artiste blésois. C'est ça. Originaire d'ici? Ouais, de base, ouais, je suis de Blois. Ouais. Moi, j'ai toujours vécu dans les quartiers à Blois. Toujours de Blois, quoi, en fait. Toujours. Ouais, ok, ça part. Dédicace à Blois, une ville que j'apprécie particulièrement, où je vais répéter à Château d'Eau, etc. Dédicace à Château d'Eau. Tyler, comment tu qualifies ton style? Moi, je suis dans la mélo. La mélo? Chill? Ouais, chill. Non, ouais, ça te plaît pas? En fait, de base, avant, j'étais plus dans vraiment les trucs love, tout ça. Ouais. Mais là, j'ai changé. Parce que ça fait quand même 5 ans que je suis dans la musique. Ouais. J'ai changé, je suis parti un peu dans la mélo, qui reste toujours dans le love, mais c'est pas du cœur brisé. Avant, c'était du cœur brisé. Là, c'est plus de cœur brisé. Tu vois. Oh, ok. Qu'est-ce qui t'a ramené vers ce style-là plutôt que le rap pur ou un autre style de rap? Qu'est-ce qui t'a amené vers ce truc un peu tendre, si je peux dire ça comme ça? Bah parce que en fait moi je pense que j'ai pas la voix pour faire du rap. D'accord. J'ai pas le vécu pour faire du rap. Ok. Je suis pas du genre à inventer des choses. C'est dans bien, mes musiques. C'est bien. Ça c'est pas mon délire. Du coup je suis parti dans ce côté love, tout ça, enfin qui parle d'histoire d'amour de tout ça, quoi. Ouais, c'est une tendance moi très voilà longtemps. Je trouve ça plus intéressant et puis j'ai quelques vécus là-dessus. Ok, là je peux raconter des choses qui sont déjà passées dans ma vie. Ok super. Est-ce qu'il y a un titre que tu nous as ramené qui décrit un peu tout ce que tu viens de nous dire pour qu'on te fasse découvrir tout de suite un peu ton style à nos auditeurs et qu'on revienne tout de suite? Ouais, dans ces titres, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose qui peut, comment dire, parler de ça, de ce qu'on disait. Et, ouais. Mais on va voir directement de quoi, enfin d'où, où je veux en venir. Ok, tu veux qu'on passe quoi comme titre? Tu peux passer Saltan. Saltan. Ouais. Allez, c'est parti. On écoute Saltan, ça vous installe le décor sur Tyler RX. Saltan, Tyler RX sur Radioactive. A tout de suite. C'est RX maintenant, tu sais. Saltan pour faire la fête, pas le temps pour faire la guerre. Elle m'attend quand il se fait tard le soir, bitch, je veux pas me lâcher la veste. Sale temps pour faire la fête, pas le temps pour faire la guerre. Elle m'attend quand il se fait tard le soir, bitch, je veux pas me lâcher la veste. Une fois plus de tal pour le moment. Faut une big house que je pète au bord de la mer. Le temps est bizarre, je vois que mes proches et nini. Sur un parking, tard le soir, j'smoke, j'fais le vide. Je les vois buzz down, ouais. L'ascenseur pour eux était vide. L'ascenseur pour eux était vide. J'crois que ces fils de pute sont des traîtres. Plus trop d'amis descendent aux enfers. J'me resserre un verre. J'me regarde dans le miroir. J'suis seul. tu sais que t'as pas besoin d'eux. Ils ont des dérisoire, j'ai le seum. Je pensais pas que c'était des faux d'eux. Je me regarde dans le miroir, je suis seul. Tu sais que t'as pas besoin d'eux. Ils ont des dérisoire, j'ai le seum. Je pensais pas que c'était des faux d'eux. Pas le temps pour faire la fête, pas le temps pour faire la guerre. Elle m'attend quand il se fait tard le soir. Puis je veux pas me lâcher la veste. Sale temps pour faire la fête, pas le temps pour faire la guerre. Elle m'attend quand il se fait tard le soir. Puis je veux pas me lâcher la veste. Sale temps pour faire la fête, pas le temps pour faire la guerre. Elle m'attend quand il se fait tard le soir. Puis je veux pas me lâcher la veste. Sale temps pour faire la fête, pas le temps pour faire la guerre. Elle m'attend quand il se fait tard le soir. Puis je veux pas me lâcher la veste. On sort le temps, on sort le temps pour faire, on sort le temps. Tyler RX sur Radioactive. Sale temps pour faire la fête, pas le temps pour faire la guerre. Lourd le son, lourd, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Tu mets un autotune quand même? Ouais, il y en a. Après, moi je mets toujours de l'autotune. Mais bon, je vois que j'arrive. Enfin, je sais que j'arrive bien à gérer l'autotune. Ok. Et j'essaye de pas trop en mettre sur certains sons pour pas que ça. Ok, ça marche. Essaye de parler un tout petit peu plus proche du micro, s'il te plaît, Tyler, pour qu'on puisse vraiment bien t'entendre. Bah, ça installe un petit peu le décor, moi j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire tes réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, on peut me retrouver sur Instagram. Insta. Sur le nom de Tyler, TY2LER-RX. Ok. Sur TikTok, pareil, c'est le même nom. Sur Snap, pareil. Ok. Sur tous les réseaux. Tous les réseaux, TylerRX. Twitter, je suis pas actif. Ok. Et les nouveaux trucs, la Twitch et tout ça, t'es dessus? Même pas, j'y même pense, pas. Mais faut d'abord peut-être passer sur, sur TikTok. Ouais. Essayer de se brancher bien sur TikTok, ouais, et après, ouais. On verra plus tard. C'est compliqué, hein, les réseaux. Ouais, c'est peut-être encore plus dur pour nous, un petit peu plus anciens. Ouais, bah ouais. Mais ouais, c'est compliqué, c'est dur, les réseaux. C'est dur. Faut se distinguer. Ouais, c'est pas évident. Hein. Non. Évident. Non, vraiment. Qu'est-ce que je veux dire? T'as des projets en cours, ça? Ce qu'on écoute, ça fait partie d'un projet? Ouais, j'aimerais bien le clipper là courant décembre. Ok. Pour mais sortir en fin d'année. C'est ok. Tu veux, c'est un titre solo quoi en fait. Ouais, ouais. Okay. De base, je voulais faire un genre d'EP. Ouais. Et en fait, je pense que début d'année, je vais partir sur une série de freestyle. Ok. Et ça sera un son qui sortira avant la série de freestyle. Okay. Si je peux, en fin décembre. D'accord, ok. Et donc tous les titres que tu nous as ramenés aujourd'hui, et donc ça fait pas partie des projets, c'est déjà sorti ou... Il y en a un qui est sorti. Ouais. Et tous les autres, ils sont en cours, ils vont arriver prochainement. On peut les retrouver sur YouTube, tout ça ou pas? Ouais, celui qui est sorti, je peux le trouver sur YouTube et toutes les plateformes. Ok, YouTube, c'est Tyler RX aussi. Ouais. Comme toutes les plateformes. Ouais, tout. Ok, super. Tu veux qu'on se fasse un deuxième titre? Vas-y. Allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'on... Bah vas-y, balance No Cry. No Cry. C'était un petit freestyle que j'ai fait il y a un petit moment, ouais. J'ai jamais sorti et que je pense à... Donc à première sortir. Fois qu'il va être écouté en fait là. C'est ça. Ok, super pour l'exclu, merci beaucoup. Et ben on se fait No Cry sur Radioactive, Tyler RX. A tout de suite. La matrice, Lucas. Cette année je compte rien rater. J'ai parlé au chaman. Depuis dans la vie c'est que je dois tout rafler et protéger la madame. Des absences pas injustifiées. Si je le fais c'est pour nous la mifa. Des prises de tête et lâche pas m'instever. Je pense qu'il y a à prendre et on y va. On ira. On verra. Je vois pas dans le futur, j'y crois dur comme fer. B ça ira. J'ai foi en Dieu, je nous ai vus dans mes rêves. B ça ira. Le G m'a dit qu'on va tout se refaire. Et ça ira. Donc baby no cry, no cry. Si j'ai plus trop de time avec toi. Donc baby no cry, no cry. Si j'ai plus trop de time avec toi. Je me hisse dans le top 10. Je fais pas pour la fame et pour toi. Je me hisse dans le top 10. Je fais pas pour la fame et pour toi. Donc baby no cry, no cry. Si j'ai plus trop de time avec toi. Donc baby no cry, no cry. Si j'ai plus trop de time avec toi. Je me hisse dans le top 10. Je le fais pas pour la fame et pour toi. Je me hisse dans le top 10. Je le fais pas pour la fame et pour toi. Donc baby no cry, no cry. Si j'ai plus trop de time avec toi. Donc baby no cry, no cry. Si j'ai plus trop de time avec toi. Je me hisse dans le top 10. Je le fais pas pour la fame et pour toi. Je me hisse dans le top 10. Je le fais pas pour la fame et pour toi. No Cry sur Radioactive, Tyler RX. Lourd le son, No Cry. Bien vu, bien qu'est-ce vu. Que tu veux, qu'est-ce que tu veux nous faire passer comme message? Que en gros, moi j'ai mon projet, c'est de réussir dans la musique, et que en gros, faut donner tout le temps qu'on peut dans ce qu'on veut réussir, ouais. Tout en mettant de côté. Par exemple, ta copine ou ta famille, mais c'est pas réellement mettre de côté pour penser qu'à la musique, c'est pour réussir et pour nous, tu vois, pas pour bien sûr. Que pour moi. Ouais, on en parlait. Comme je te disais, pour moi ça c'est valable pour n'importe quelle personne, en fait, ouais, n'importe quel chef d'entreprise, n'importe quelle personne qui se lève pour aller. Charbonner le matin, c'est ça. Voilà. Mais bon, qui n'ont pas peut-être les mêmes passe-temps ou les mêmes hobbies que nous, on va dire. Et si tu investis autant de temps là-dedans et que ben, ça marche pas, tu fais quoi? Tu continues par passion? Tu sais quoi le plan en fait? T'as un plan? Moi, t'as je un veux plan B, un plan C. En fait, il n'y a pas réellement de plan A, B, C. C'est je me mets à fond dedans. Je vais essayer de réussir. Je me laisse, je sais pas, par exemple, 2 ans encore, max. Si ça marche pas, un minimum, je pense que j'arrête tout. Ah, carrément, t'es comme ça, t'arrêtes ouais. Tout. Bah, je pense, parce que ça peut. C'est de l'argent déjà, la musique. Ouais, bien sûr. Ça veut dire qu'en mode. Peut-être par passion, vas-y, un jour, si j'arrête, un moment où je vois que ça marche pas et je veux arrêter. Par passion et j'ai un billet, ouais bah vas-y pourquoi pas, je vais essayer un truc. Je vais le sortir comme ça mais sans attendre quelque chose derrière. Tu vois, pas forcément de promo, pas de. Mais du coup là pour arriver à ça dans 2 ans comme tu dis, je suppose que t'as un plan. Tu me disais tout à l'heure que t'allais monter une série de freestyle. Ouais, début d'année prochaine. Ouais. En fait je vais recommencer bien. Tu peux nous dire un petit peu le concept de ce truc là, que si on veut suivre, qu'on puisse le faire. Bon, en fait je vais sortir une série de freestyle où je sortirai 2 sons toutes les à peu près 2 semaines. Ok. Et je pense que je partirai sur 5-6 freestyle maximum. D'accord. Entre peut-être 2 freestyles, je te sortirai un clip d'un son complet, pas un freestyle, tu vois. Ouais. Un single. Et tous les freestyles, ils seront clippés. Ok. Et enfin, ce sera un tout en image, quoi. Voilà. Ouais. Et dans les freestyles, en fait, t'auras. Par exemple, je vais te faire 5 sons, 5 freestyles, il y aura 5 styles différents. Ok. Je veux toucher à tout. Ok. Même le rap un peu plus dur, justement, ou quoi? Ouais, j'ai essayé de poser un peu en mode rap. Ouais. Toujours avec un peu d'autotune. Tu nous as ramené un petit titre comme ça qui s'apparente à ça un petit peu en mode rap? Bah, ouais, à la fin, ouais, il y aura un son qui va passer où je commence à sortir un peu en mode grave, tu vois. Un peu, où je débite un peu, tu vois. Ok. Parce que de base, moi, je suis plus dans les aigus, les ceci. Là, j'ai essayé de faire un truc, tu vois. Et donc, là, ton projet de freestyle, il se résume sur, tu m'as dit, 4-5 freestyles. 5, ouais. 6 freestyles. 5. Pour l'instant, je suis parti sur 5. 5 freestyles, ouais. Tous les 2 semaines. Donc, ça te remène à 10 semaines, quoi, en fait. C'est ça. 10 semaines, 2 mois ouais. et demi. Donc, toute ta stratégie, là, commerciale, tu la bases sur ces 2 mois et demi, là. Ouais, mais après, ça continuera. Okay, après les 5 freestyles... Je compte essayer de sortir un EP. Ah, du coup, il y a ton EP voilà. qui est en route là. qui est en train de se Pour l'instant, non. Non. Okay. Là, je suis en train de travailler sur mes 5 freestyles. Okay. Il m'en reste 3 enregistrés. Okay. Après, je vais contenu en à balle. Je vais que clipper, clipper. Okay. Et après, je vais commencer à me pencher sur l'EP. Quand tout sera, tu vois, là, d'ici la fin d'année, je veux avoir tout carré. Okay. Et là, je me pencherai sur l'EP. Ok, d'accord. Et comment tu bosses ? Est-ce que tu as les prods en amont et puis tu écris chez toi et tu arrives en studio, tu es tout carré ou est-ce que tu arrives en studio, tu te poses et puis non. C'est là que tu bosses et Moi, je fais tout chez moi. Parce que justement, comme je t'ai dit, là, le studio, ça coûte des sous. Bien sûr. Moi, je veux rentabiliser mes heures de studio. Ça veut dire que je fais tout chez moi. Je fais des maquettes sur Bandlab. Ouais. J'écris tout. Ouais. Et une fois que j'arrive au studio, tu sais ce que je peux, tu vois là, dernièrement, en 1h30, je t'ai fait 2 sons. Ok. Tu vois, j'ai envie d'être rentable. L'écriture, donc, ouais, quand t'arrives, c'était... Tout est carré. Juste à donner à l'ingé... Cabine, quoi, voilà, je donne à l'ingé l'instru, c'est carré. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais quand j'avais pas la chance d'avoir ma structure. C'est ouais. aussi comme ça que je fonctionnais. Moi, je trouve ça plus intéressant. Bah, surtout on fait pas venir l'ingé pour rien. Bah c'est ça, parce que ça m'est déjà arrivé d'aller en séance de stud et puis tu vas prendre un créneau de 6 heures, t'as rien écrit, tu vas perdre quoi 2-3 heures pour écrire, écouter l'instru, l'ingé lui en attendant, bah il est là, il est juste là. Ouais. Et au final, bah tu vas faire un son pour 6 heures. C'est pas rentable du tout. Bah ouais, parce que selon les studios, nous on a connu les studios à 10 balles de l'heure à l'époque, ouais. Mais maintenant c'est plus 10 balles. Mais maintenant c'est plus du tout 10 balles de l'heure, c'est entre 20 et 40 balles. Hein. Après ça dépend de la qualité aussi de matériel qu'il y a dans le studio. Ouais, c'est ça. Mais avec le micro Neumann et tout, la carte de son, le matos, les enceintes qui vont bien, c'est minimum du 40 balles. Ça peut vite monter. Ça peut vite monter. Ça va très très vite. Pour ça, faut rentabiliser le temps. Ouais, effectivement. Et on va se faire un autre titre, Tyler. Tu veux qu'on se fasse quoi ? Vas-y, tu vas pouvoir envoyer un son que j'ai déjà sorti cet été. C'est un petit son d'été. Chouchou ? Ouais, chouchou. Chouchou, ok, vas-y, ça marche. Et ben, on se fait tout de suite. Alors, le titre, c'est Chouchou, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ok, ben, on se fait tout de suite. Alors, Tyler RX, Chouchou sur Radio Active. A tout de suite. Son chouchou, et pour avoir ferai tout pour. Dans sa story, elle veut mon jaloux. Et en message, elle me dit des mots doux. Elle veut passer sur mon joujou. Faut plus que ça, veut des bisous. J'en perds la tête, j'suis là dans le flow. Patron dans love, viens des sous-sous. J'sais qu'elle est love de moi. Elle voudrait que j'sois son man. J'sais qu'elle est love de moi. Facile, mais son corps est amazing. J'suis au-dessus de là, j'fais ma zing. Elle veut qu'on se voit, mais là j'hésite. Elle a deux doigts. Pour elle, j'suis son chouchou. Elle veut d'un vrai pas d'un doudou. Évidemment, j'suis en mise à toi. Elle a deux doigts. Pour elle, j'suis son chouchou. Elle veut d'un vrai pas d'un doudou. Évidemment, j'suis en mise à toi. J'vais faire l'effort en vrai. On verra bien ce que ça donne. J'ai pris la route, j'ferai pas demi-tour. J'ai scellé mon corazon. J'arrive en 4-matique dans un 4x4 noir. Serein comme les galactiques. Et j'aime pas le forcing, va falloir calma. J't'ai dit que j'étais pas facile. C'est vrai qu'elle est nebo. Elle voudrait soigner mon cœur. Ne m'en veux pas si j'pense à tes formes. Tes cheveux et ton odeur. Dis-moi que j'ai bobo. J'ai pas envie de faire l'idiot avec toi. Ton corps mature, c'est chaud. J'ai bien peur que ça dure qu'un soir. Je veux pas te faire mal. Elle a tout doux. Pour elle, j'suis son chouchou. Elle veut d'un vrai pas d'un doudou. Évidemment, j'suis en mise à toi. Elle a tout doux. Pour elle, j'suis son chouchou. Elle veut d'un vrai pas d'un doudou. Évidemment, j'suis en mise à toi. cache, dis son chouchou. Elle veut un vrai mec, pas d'un toutou. Évidemment, je change mes atouts. Chouchou, Tyler RX sur Radioactive. Un son d'été. C'est ça. Tyler. Un son d'été, ça fait danser. C'est ça. C'est ce que t'aimes faire. Ouais, je kiffe, je prends du plaisir à faire des genres de sons comme ça. Là, j'ai vraiment pris du plaisir quand j'ai fait ce son-là. Et toujours en période d'été? Ouais, on essaye. Hein. Ou tu les confectionnes l'hiver et tu les sors l'été? Non, celui-là, je l'avais fait, je l'ai enregistré mois de juin, je crois. Ouais, mois de juin. Ok, donc tu l'as sorti dans la foulée, en fait. Ouais, hein, c'est ça, pour l'été. Ok. Les prods, comment tu choisis tes prods? Qui te fait tes prods? Dis-moi un petit peu, les prods, comment tu fais? Moi, les prods... Je vais voir sur YouTube, je cherche sur certains beatmakers que je connais. Après, je vais voir aussi d'autres beatmakers que je connais pas sur YouTube, que sur YouTube. Que sur YouTube? Ouais. Et du coup, t'as les droits sur ces prods? Après, ouais, j'achète les licences, ouais. Type BeatStar, ce genre de ouais, truc. Ouais, c'est ça, exactement. BeatStar, okay. Tout ça. Tu, okay. Tu prends les licences, t'as, ouais, t'as plusieurs c'est licences. Ça, c'est ça. Okay. T'as l'exclusif, tout ça. Et... Ok. Voilà. Okay. Donc c'est comme ça que tu fonctionnes, ouais. Majoritairement. Ouais, c'est ça, j'écoute la prod, je fais une mélo, si la mélo elle est bien et que j'ai de l'inspi, je pars direct dessus. Ok, et les beatmakers ils sont plus français, américains, canadiens? Je tombe beaucoup sur des américains, des anglais aussi. Ouais. Je suis tombé sur quelques français, mais souvent ouais, c'est des américains. Sur BeatStar, il y a beaucoup d'américains. Ouais. Mais après, ils sont forts dans les prods. Il y a de plus en plus de français. Moi, j'ai eu l'occasion de tomber sur quelques français. Je suis déjà tombé sur des françaises qui font des bonnes prods. Ouais. C'est de mieux en mieux. Et ouais, puis après, ils ont aussi chacun leur spécialité un peu. C'est ça. Il y en a, ils sont dans le old school boom bap. Mm-hmm. Il y en a, ils sont dans le chill. Il y en a, ils sont dans le. Ouais, c'est ça. Voilà quoi, tu vois. Donc non, c'est bien, chacun y trouve son compte. Bon, le système de licence, c'est complexe, hein. Je trouve ça un peu, voilà. Et puis, c'est complexe. Ouais, c'est un peu, voilà. C'est que tu vas prendre une licence. C'est-à-dire que si tu fais les 5 millions, direct derrière, on peut te striker si tu prends pas l'exclusif, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé de prendre l'exclusif. Donc, là. Voilà. Si t'arrives, tu dois prendre l'exclusif. Ouais. Mais si tu fais les 5 millions, c'est que tu sais que tu vas avoir sûrement les tals qui vont servir derrière aussi. Et c'est pour ça que j'aime bien de plus en plus bosser avec des beatmakers qui sont vraiment à proximité. Mm. Comme ça, t'as tes prods à ça, toi. On a nos prods, on a absolument tout. Et on a plus de problèmes avec. Mais ça c'est pratique. Avec, on est en train de se faire des contacts là justement pour avoir justement un mec qui nous fait que des prods exclusifs. C'est vachement exclusif. Important. Ah bah et oui. En fait, il faut aussi plusieurs couleurs. Je pense qu'il faut pas qu'un seul mec, quoi, tu vois. Il faut. Ouais. Oui. Il faut genre 10 mecs, quoi, tu vois. Ouais, un mec qui a une autre vibe. 10 mecs, il t'envoie une palette de 20-30 prods. Oh, j'en reçois plein, moi. Donc, tous les jours par mail, j'en reçois plein. Ouais, moi aussi, j'ai eu l'occasion de collaborer avec pas mal de frérots récemment. Et c'est rigolo de voir les prods de chacun. Ouais, ça peut aller. C'est toujours différent. C'est incroyable. Bah oui. À nous de nous adapter, quoi. Des fois, c'est super dur. Des fois, après, tu connais, des fois, quand ça va pas, mais, mais bon. Sur quel genre de prod tu peux pas poser? Alors, je t'avoue que j'ai pas tout essayé encore. Je sais même pas si, par exemple, du boom bap, comme tu parlais tout à l'heure, je sais pas si j'y arriverai. Le genre de mes prods à moi, ouais, non, voilà. J'y arriverai pas. Peut-être, mais en fait. Sur ce genre de prod, je vois pas un mec avec l'autotune, tu vois. Je vois un mec comme toi qui pose comme toi, en fait. Un peu à l'ancienne, quoi. Après, je pourrais essayer. Je sais pas. Je connais avec Bandlab, je suis dans mon coin, je peux essayer et on sait pas. Peut-être que ça peut faire un truc. Je sais pas, bien sûr. Mais tu vois, ce genre de prod là, je pense que je peux. C'est pas mon registre. Donc je vais pas aller faire n'importe quoi sur une prod comme ça, tu vois. Mais je kiffe ce délire. Hein, ouais, tu vois. Mais j'y arriverai pas. Ouais, mais... Tu mettrais pas ce genre de prod dans ton projet, justement? Non, ou mais alors si j'essaye. Ou alors pour offrir justement une diversité plus grande. Ah, mais si, par contre, moi je suis ouvert à. Je peux tout essayer. Okay. J'ai envie de tout essayer. Mmh. Tu verras, là, je t'ai mis un son. C'est du son un peu. Guada, tout ça, les mecs, tu vois, okay. Des îles et tout ça. Ouais. Et franchement, je partais pas dans le positif. Quand je l'ai fait, je dis tiens, c'est un délire. Je me rappelle, j'écoutais un freestyle sur Skyrock d'un mec. Je dis, je vais essayer un délire comme ça. Et au final, le son, les gens, ils l'ont kiffé. Ils l'ont kiffé, ouais, ça te va bien. Parce que ça, je ne l'ai pas sorti encore. Ça te correspond. Et le peu que j'ai fait écouter à certaines personnes, ils ont kiffé. Et c'est un peu dans le même style quand même. Tu sais, été, chill, ouais, c'est ça, ouais, parle ouais, ouais. Des, tu ouais, parles c'est beaucoup ça. Des femmes. Tu, ben, ouais, voilà. Exactement. Donc, c'est un peu tout ça, c'est un peu le même style. Enfin, ça, enfin, c'est sûrement la mélodie qui va juste changer, qui va ouais. Ranger les îles, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Sur ces sons-là, par contre, je suis plus en grave, tu vois. Ok. Okay, je suis plus dans le délire des sons juste d'avant qui sont mais passés, est-ce que là. Tu prends le flow des Dancehall Man là-dessus ou j'essaye mais je reste quand même moi tu vois okay. Donc je reste toujours dans mon truc okay. Ouais. J'apporte mon truc à moi sur ce genre de son tu vois. Et c'est quoi ce titre c'est Bad Man et ben tu sais quoi je propose à nos auditeurs qu'on se le fasse direct. Bah vas-y direct allez vas-y. C'est parti Tyler RX Bad Man sur Radioactive à tout de suite. Madenko. CRX maintenant tu sais. Elle veut que je la traite comme un bad man, que je la pilote. La go elle veut qu'on fasse un non-stop. Elle veut que je la traite comme un bad man, que je la pilote. La go elle veut qu'on fasse un non-stop. Ce genre de bad gal y'a pas de love. J'm'enroule un autre. Elle leur demande à kiff, y'a pas d'autre. Même si j'suis fire, elle veut que j'la dope. J'suis dans un mood. Elle veut que de moi, elle me dit j'veux pas d'un autre. Ça fume des rires, y'a tous ces copes, des grosses folles. Elle kiffe la nuit, y'a mes beaux gamins, des membres du gang. Elles font la fiesta dans un coin vif, elle gratte l'alcool. En fin de soirée, trop qu'il y ait, elle voudrait que j'lui donne. C'est son côté, boom, bad girl. Gros taco, elle aimerait que j'lui fasse la cour. Pas ni problème, elle monte dans la chop. J'prends un hôtel pour mes bad man, bad girl. L'after sera bestia, j'connais mes gars, y'aura aucun flop. Elle sait être une real qui la bad girl. J'connais pas son prénom, c'est juste pour une soirée. Elle éveille mes démons, fait monter la tempête, man. Elle aime la mode, les boucs ont la monnaie. Sur OnlyFans, fait le nombre d'abonnés, man. C'est qu'elle est attirante, ouais. À barre pour faire de la monnaie. Bad man, que je la pilote. La go veut qu'on fasse un non-stop. Bad man, que je la pilote. La go veut qu'on fasse un non-stop. Je la traite comme un bad man, que je la pilote. La go veut qu'on fasse un non-stop. Elle veut que je la traite comme un bad man, que je la pilote. La go veut qu'on fasse un non-stop. Elle veut que je la traite comme un bad man, que je la pilote. La go veut qu'on fasse un non-stop. Elle veut que je la traite comme un bad man, que je la pilote. La go veut qu'on fasse un non-stop. Elle veut que je la traite comme un bad man. Elle veut que je la traite comme un bad man. Comme un bad man, que je la pilote. La go veut qu'on fasse un non-stop. Elle veut que je la traite comme un bad man, que je la pilote. La go veut qu'on fasse un non-stop. Badman, Tyler RX sur Radioactive. Lourd, dansant, ça peut évidemment faire bouger. C'est ça. Faire pas mal bouger. De la dancehall, quoi. Ouais, dancehall. Ah ouais, dancehall à mort. C'est ça. Ouais. Bah, c'est ce son-là, du coup, que je me suis essayé. J'ai jamais fait ce style-là. J'ai dit, tiens, pourquoi pas essayer. Et j'ai eu des bons retours. Ouais, non, franchement, c'est bah, et j'ai hâte de le sortir. Ben bah ouais, franchement, pour un mec qui est pas là-dedans, c'est, enfin, moi je trouve que c'est vachement dansant, quoi. Ah bah, on est dedans, quoi. On essaye. Les scènes, tu t'es déjà essayé aux scènes? Alors, j'ai fait deux scènes. C'était pas des grosses scènes, mais c'est des expériences, justement. Ouais. Ça permet d'essayer de prendre confiance. Il y avait un petit peu de monde, quand même. La première, il n'y a pas eu trop de monde. Et la deuxième, il y en a eu un peu plus. Après, c'était une genre de fête de musique dans le centre-ville à Orléans. Ok. En fait, et okay. Justement, j'étais invité par la NOLA. Ok. Merci à eux déjà. Et la NOLA, c'est ? C'est un studio et. Enfin, ils ont leur studio et c'est leur. C'est une marque, quoi. C'est une assoce ? Ouais, c'est ça, c'est leur truc. Ok, ok. Et, big up à eux, à la NOLA d'Orléans. Et ils ont un bon petit studio et tout, franchement. Ok. Et c'est toujours bien passé, donc voilà. Puis ton ressenti, tes retours par rapport à ces scènes? Bah écoute, il y avait beaucoup de... Avec qui j'étais, c'était beaucoup des mecs du coup de la Nola qui produit. Et ils font beaucoup de rap, ils sont plus dans le rap. Okay. Là, moi, je suis, du coup, c'est plus différent, c'était moins du rap, donc déjà, j'avais un peu l'appréhension. Et après, justement, j'ai vu que les gens, ils ont kiffé, les peu de gens qu'il y avait, ils ont kiffé, tu vois. Et j'ai eu des bons petits retours, j'ai carrément eu des personnes qui ont pris des photos avec moi et tout c'est ça. C'est cool, c'est cool. On a demandé mes réseaux. Cool. Ça fait bien, ça fait on avait bizarre. Fait des petites cagoules personnalisées, des trucs, et on en a distribué tout ça. Enfin, et l'effet interne sur scène, tu te sens comment? Le track et moi, tout de ça. Base, je suis un gars, je suis un grand timide. Ouais. Et tu connais, après, faut passer au-dessus. Et au début, tu sens dans la voix peut-être que ça peut être. Et après, tu te lâches au bout d'un moment. Ouais, bien tu sûr. Vois. Bah, quand t'es dans le. Moi, c'est que je suis bien accompagné quand aussi. Quand t'es dans de... le bain, t'es dans le bain. Quoi. Ouais, c'est ça. Puis j'ai mon pote, je suis bien accompagné. Et lui, il me pousse et tu vois, il m'aide beaucoup à. Lui, il a pas du tout, pas de timidité, rien. Donc au moins, justement, c'est là que tu vois que. Bah, vas-y, faut y aller, frérot, tu vois. Ok, ton pote, quand tu me dis ton pote, il est avec toi sur scène? Ouais, c'est. En fait, c'est celui qui. Qui est derrière moi quoi. C'est un backer ou c'est... Non, même pas, c'est lui, il est là pour tout en fait. C'est à dire les platines, les... qu'est-ce que... Lui il est là pour... il peut faire ma sécu, il peut faire... il finance mes séances de studio. Ah c'est ton manager un peu. Ouais c'est ça. C'est ton manager. Mais s'il faut aller sur scène, si cela il dit okay, pas d'accord, non. Mais sur scène t'es tout seul, t'es un artiste. Ouais solo. Ouais je suis tout seul. Y a personne qui... C'est jusque là sur ces scènes là, okay. Il était venu avec moi tu vois pour justement... première scène, bah, okay, gonfler, okay, tu vois. Te donner un peu de force. C'est exactement ouais, ça. C'est ça. C'est parce ça. Qu'on est... En soi, je suis tout seul. Et c'est qui ce manager? C'est un pote à moi, Grise, il s'appelle. Grise, Grisou. Ouais, Grisou, c'est ça. Et big up à Grisou. Big up à mon frérot Grisou. Bon, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. On a passé un bon moment. C'est une bonne soirée. Bon. Big up à lui. Il est le bienvenu à la maison. Tyler, qu'est-ce que tu veux qu'on se fasse comme titre? On se refait un petit titre, ouais? Ouais. Ouais, vas-y. Hein. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu veux qu'on se fasse? Pourquoi pas QDT? Question de temps. Question de temps. Vas-y, tu parles de quoi sur ce titre un petit peu? C'est une meuf qui demande du temps, qui demande de mon temps. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Du temps, question de temps. D'accord. Puis voilà, quoi. Et tu nous as mis ça en mode chill. Ouais, c'est de la... C'est... Comment dire? C'est pas des types beats que beaucoup de personnes écoutent en France. Ouais. Mais c'est beaucoup les... C'est quoi comme type beat, justement, vu que tu viens, que t'en viens là? C'est quoi comme type beat? C'est... Comment dire? Ah, putain. J'ai oublié. Ça t'échappe? Ouais, j'ai oublié. Ça t'échappe? J'ai oublié le terme exact. Le terme exact. Ouais, mais de toute façon, tu vas l'entendre. C'est pas beaucoup de gens qui écoutent ça, non. Ouais. Okay. Après, c'est pas non plus révolutionnaire. Hein. C'est pas un truc tout nouveau. Hein. Ok. Mais il y en a pas beaucoup qui essayent de poser sur ce genre de prod. Enfin, okay. J'en ai pas entendu beaucoup en France. Et ben, on se fait ça tout de suite. Vas-y. Allez, ça. Tyler RX, question de temps sur Radioactive. À tout de suite. Elle veut mes lips, elle veut de l'amour qu'on fasse des boutiques. Elle veut qu'on shine, elle veut de la Dolce et du Gucci. Elle me dit je t'aime, j'ai peu d'amour à donner baby. Oh my baby, baby. Elle veut de mon temps. C'est vrai que je suis pas souvent chez moi. Oh baby, elle veut de mon temps. Mais je veux juste prendre du temps pour moi. Faut passer plus de temps avec moi. Et que je prenne moins de temps pour moi. Oh bébé fais des faces, bébé fais la tête. Elle aime que je sois son bail, en vrai j'aime pas qu'on se prenne la tête. Oh bébé fais des faces, bébé fais la tête. Elle aime que je sois son bail, en vrai j'aime pas qu'on se prenne la tête. Il s'en est passé du time out. Elle me fait comprendre je suis son type. Elle veut que je fasse des efforts. Elle me demande juste plus de time. Et je vois que la baby elle en veut. La baby elle en veut. Tu voyais vaisselle, Gucci Fendi elle en veut. Je vois la baby elle en veut, la baby elle en veut. Du YSL, Gucci Fendi elle en veut. Elle veut voir son maman avec moi. Elle monte ses tenues bien bronzées. Elle sait que c'est ma caméra, elle joue de ça. Elle voudrait que je vienne la voir en vrai. Montrer toutes ses fois, elle veut je la visite qu'on s'évade et qu'on s'évade. Elle veut pas montrer toutes ses failles, elle veut je la. Elle veut je la. Question de temps, Tyler RX sur Radioactive. Encore du temps. C'est ça. Encore du temps, Tyler. Le temps, mais différemment, là. Le temps nous est compté. Ah, le temps nous est compté aussi. Paraît-il. Ouais, c'est Dis-moi, vas-y. Tu vas faire référence à la déclaration du chef des armées, là. Ah, ouais, le temps, ouais, le temps de nos enfants, quoi. Apparemment, ouais, le temps de nos enfants est compté, ouais. Ouais, je trouve que c'est quoi. Mon avis, pour moi, c'est quoi. C'est qu'ils veulent nous faire peur. Ouais. Et bah du coup ça parle, c'est en rapport avec la Russie et l'Ukraine. Ouais, mais du coup pour toi on va pas aller en guerre. Si bah, c'est que pour nous faire peur. Si Macron il va aller en guerre, il y va tout seul. Nous on va pas y aller nous. Moi la guerre pour moi il y a pas de guerre, il devrait pas y avoir de guerre parce que nous on a pas de guerre. Mais oui, en fait clair. Et on cherche à s'occuper d'une guerre qui est pas la nôtre. Ouais, je te jure. Mais tout ça c'est quoi, c'est l'argent. Il y a des intérêts derrière. Il y a toujours des intérêts derrière. Moi, pour moi, après, je me renseigne sur beaucoup de choses. Je ne peux pas te dire des choses, les affirmer, sachant que je n'ai pas la confirmation de ce que je me renseigne, tu vois. Mais l'Ukraine, c'est... Il y a beaucoup de gens qui disent que, par exemple, c'est un pays où c'est beaucoup un pays où on blanchit l'argent, tu vois. C'est... Ouais, bah, y a pas que ça. Hein. Trafic d'êtres humains, j'ai entendu dire. Ouais, il y a tellement de choses. Enfin, voilà, quoi, ça part dans tous les sens. Hein, après, en hein, fait, qui est le bon, qui est le mauvais, tu peux pas savoir. Tu sauras jamais. C'est compliqué. Ouais, bah, enfin, moi, je sais que c'est pas bien de tuer son prochain. Non, bah, c'est ça. Et enfin, pour moi, c'est là le principal. Quoi. S'il devrait, en fait, il devrait pas y avoir de guerre. Mais après, il y a beaucoup de guerres qu'on ne parle pas, hein, au Congo, tout ça. Ouais. On n'en parle pas de tout Rwanda, ça. Rwanda, Congo. Mais ça, c'est caché. C'est... Mm. En fait, c'est ce qui les intéresse. Enfin, on va parler de ce qui intéresse. Enfin, comment t'expliquer nous, pour nous faire peur, forcément, on va nous parler de ce qui se passe pas réellement ici, au final, mais on va s'intéresser à une autre guerre. Ouais. Qui est plus proche que le Congo par exemple. Voilà. Ouais. Mais après c'est que le Congo aussi c'est un pays qui est pas compté pour par exemple l'Europe. Enfin ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que je veux dire. C'est pas sur notre territoire, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça, donc ça c'est pas l'Europe. Et donc ça n'a pas d'importance. Ouais, je pense pas. Mais par contre, s'il y a un intérêt sur certaines choses, forcément il y aura de l'importance. Ah, attends, j'aimerais bien comprendre. Tu me dis que le Congo, ça n'a pas d'intérêt pour comment ça, pour nous en France ou je pense pour l'État. Enfin, je Pour en l'État général. Français. Oui, ouais. La guerre qui se passe là-bas. Ouais. Bah ça, ils n'ont pas d'intérêt. Ouais. Je pense qu'ils n'ont aucun intérêt en fait à les défendre. Donc ouais, l'Ukraine. Donc ils s'en mêlent pas quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un intérêt pour moi avec l'Ukraine. Ouais. C'est. Ouais, forcément, oui. De toute façon. Quand tu balances tellement d'argent à l'Ukraine. Et que tu viens de dire après, ici, on est en déficit et c'est toi, tu dois payer après. Tu vois ou pas? Ouais, c'est ça. Déficit. Et puis, il continue bah encore. Ouais. De puis après, de... t'as le Zelensky qui vient acheter 10 rafales. Avec l'argent de qui? Après, je comprends pas. Après, on n'est pas enseigné, on ne saura jamais tout. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que tu as juste ton opinion et après, tu pourras jamais savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Après, t'as ton opinion. Ouais, pour moi, on doit tous être unis. Ouais, c'est ça. Une seule race, la race humaine. De base, les guerres, ça part de quoi? L'argent, les religions. Ouais. Mais on devrait souvent, tous... Ouais, c'est ça. C'est ça, de toute façon, c'est l'oseille. Hein. Ah, l'oseille, oui, c'est... Le nerf de la guerre, comme on dit. C'est, ça fait des guerres, même... Même entre nous, l'oseille, ça peut faire des guerres. C'est... Oui, c'est... On en parlait aussi tout à l'heure de ça. C'est ah, ça. Ouais. Donc, Mais ouais, malheureusement, on vit des temps incertains, je dirais. Ouais, c'est ça. Puis tu es toujours dans la réflexion. Déjà, tu as le stress du taf, tu as le stress de la vie de tous les jours. Enfin, ouais, grave. Et puis en plus, après, si tu vas écouter les infos, ça te rentre dans le crâne. Ouais, tout ça, moi, je ne regarde pas la télé. Hein. Je te dis la vérité, je ne regarde pas la télé. Ben, moi, je te propose qu'on se change un petit peu les idées, du coup. C'est parti. Et, le dernier titre qu'on va faire écouter, tu peux nous en, on en a parlé tout à l'heure, ça fait partie de, d'une série. Ouais, de freestyle, ça sera mon deuxième. Ouais. Et c'est un des sons, justement, c'est là où j'ai essayé de poser un peu en grave. Okay. Un peu de débité où j'essaie un peu de rapper. Un peu plus rap, quoi, on va dire. C'est ça. Okay. Mais en rajoutant ma... Ta petite touche. Voilà, mon truc à moi. Personnel. Il a un nom, ce freestyle, ou il s'appelle freestyle? Non, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Non. Donc, le premier... En fait, tu nous dévoiles le deuxième, là. Ouais, c'est ça. Le premier est déjà fait, je suppose, du coup. Ouais. Okay. Ouais, c'est ça. Et bon, t'as bien avancé, en fait, sur cette série. Ouais, je suis en train d'avancer. De freestyle. Le premier, je le sortirai... quand j'aurai bien clippé tous les freestyles, comme je t'avais expliqué. Ouais. Et ça sera pour début janvier. Et c'est quoi le thème là-dessus? En vrai, je te laisse écouter. Hein. Ok, vous allez voir. C'est parti. Freestyle, Tyler RX, deuxième volet d'une série qui arrive très prochainement, en début d'année, pour Tyler RX sur Radioactive. A tout de suite. Madenko. J'aime bien les fonds de son as. Ce genre de fille qui danse en chatte dans la boîte. Hey. Elle aime les hommes, les frics sur Snap, on voit sa chatte. Insta sur sa story privée, c'est Haskell passe la night. Je crois elle est dure, et elle demande à me voir. Que je vienne dans sa casa, qu'on aille se balader. Hey. J'ai pas son temps, je l'envoie casser un tour. Elle aime pas quand je mets des distances, t'inquiète, je t'appelle après. Barata, j'aime quand tu bouges ton gros boom barata. Elle veut que je l'emmène en week-end, Malaga. Je récupère des platas, donne-moi l'heure et la date. Tu sais qu'il n'y a pas de love, c'est nada. Je la démonte dans la caisse, on y va, balada. Elle s'y met bien sexy, faut pas que je tombe dans l'ova. Pour elle, je suis dans sa poche comme mon sachet de canard. Elle demande des besos, qu'on fasse la dembo. Elle sait que je veux pas de son cœur en vrai. Ça monte crescendo, augmente mon cardio. Elle crie comme un moteur en serre. Elle veut du love, je l'adore dans le vrai. Elle veut que je devienne son homme et que je l'adore l'autre pour de vrai. Elle veut qu'on vive ensemble, on parle déjà nous deux après. Elle veut pas que je lui manque, mais je suis pas sûr d'y arriver. J'm'allume un gros benchy. Après là, like, faut que je sorte, il faut que je m'aère les idées. C'est vrai que ça chef valide. Elle me caresse tout mon corps en sa manucure bien fait. Elle veut que je l'adore en vrai. Elle veut que je l'adore. Elle veut que je l'adore dans le vrai. Elle veut que je l'adore. Tyler RX freestyle, deuxième freestyle d'une série qui arrive au début de l'année, c'est bien ça, je ne me trompe pas. C'est ça, c'est bien ça. Ok, super. Et donc, qui durera 2 mois et demi, je nous disais tout à l'heure à peu près. Ouais, c'est ça, c'est un son toutes les 2 semaines à peu près. Donc il y en a 5, donc ouais, après c'est ça, 2 mois et demi. Ok, super. Eh ben, tu sais que l'émission, ça passe plutôt vite. J'ai pas eu le temps passer. Hein. Ça touche déjà à sa fin, effectivement. Tu veux rajouter quelque chose, Tyler? T'as quelque chose à dire? T'as des dédicaces à passer? T'as des appels à faire? Écoute, je vais faire des dédicaces déjà quand j'ai commencé le son à mon zinc de Paris, qui avait un studio à lui. Ça s'appelait Dream Studio. Ok. Et je fais une grosse dédicace à Tuzi. Lui, il était un musical ancienne et tout, donc il s'y connaît bien. Je fais une dédicace à mon ref Grisou, hein, qui est toujours là derrière moi. pour m'appuyer. Big up à lui. Et je vais faire une dédicace à la Nola aussi, studio. Studio d'Orléans, on en parlait tout à l'heure. Ouais. J'ai beaucoup enregistré là-bas, et c'est toujours bien passé, toujours eu un bon feeling. Big up à eux. Ils kiffent ce que je fais, donc c'est parfait. Et là, je fais une dédicace aussi à un nouveau studio où j'ai été, à Romorantin. Ok. Qui vient juste d'ouvrir là. Il s'appelle comment ? Le gars, c'est Farouk QSM. Ok. Et là, il est en train de s'installer tranquillement. J'ai été enregistré déjà deux sons et c'est là-bas que je vais enregistrer mes séries de freestyle. Ok, super. Ok, bah big up à lui. Big up à tous les frères de Romorantin. Et puis après, je suis, comme j'ai dit, hein, je suis ouvert à tous les événements. Je suis. Scène. Ouais, scène, tout. Scène, moi, si on te propose, tu prends. Ouais, ça dépend dans quel univers ça va être. Mais, tu t'es mis un peu en relation avec Blois pour ça ? Même pas. Non, même pas. Essaye. Justement, faut que j'essaye tout. Donc essaye, là, je suis ouvert vraiment à tout. Essaye, et puis. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Là, je suis ouvert à tout, de toute façon. Même des beatmakers, tout, qui veulent m'envoyer des prods, on passe sur Insta. Tyler, tiré du bas, RX, et puis... Super, voilà. C'est noté. Tyler, tiré du bas, RX, sur tous les réseaux. Tyler, merci d'avoir répondu à l'invite. Ça fait super plaisir. Merci à toi, ouais, ça fait plaisir. On donne un maximum de force. Merci, merci. C'est déjà la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, il était excellent, comme d'habitude. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission Freestyle, la playlist de Fear Z, moi-même Fear Z. On se dit à bientôt. Bonne soirée à tous. Ok. Bienvenue sur Freestyle. L'émission des cultures urbaines, on reprend tout à zéro, on reprend tout à zéro. On s'active sur Radioactive, faut de l'espoir pour réussir, ici c'est Freestyle.